pas grave si je parais chelou, que j'en rajoute une couche, je suis dans le bain, mais où est le loup? Si je bois trop, je perds le cap, je perds le nord, et tu te demandes encore si je fais du rap, donc comme d'hab, hors tendance. Tu dis que mon son est merdique, or tu danses. Je laisse pisser les langues de pervis, les ragots fusent autant que je rappe hyper vite. Je peux pas me battre, mais rien ne m'interdit de péter un câble ou deux, ou pire, dis j'ai envie de l'herbe de voisin, j'attends qu'on gazon verdisse. C'est pas bien de tuer, c'est ce que Dieu le perdit. Faut avancer, j'arrive sans freiner, je fonce dans le temps en évitant d'effrayer. Je pince même une autoroute à me frayer, puis s'il y a moyen, la chronique à défrayer. Marrant, prévisionnel de mes parents, j'étais déjà dans la merde direct au premier bilan. J'ai bossé comme un con pour rectifier la balance, et au final, bah j'ai tout perdu sauf mon talent. J'ai pas le même style qu'avant, t'entends, j'ai accéléré la cadence. Regarde, je te fais même un petit pas de danse. J'suis trop dans le son, toi t'es pas de temps, c'est clair. 140 dpm, fais mieux si tu peux, ou ferme ta gueule s'il te plaît. Parle, vas-y, parle si ça t'occupe. J'pense que j'vais écrire qu'un couplet. J'ai tout fait, toi tu commences à peine. Marre de te rappeler comment j'm'appelle. J'm'étouffe et j'm'en souvent quand j'rappe, et des tracks j'peux t'en balancer à la peine. Pas grave si t'arrives.